l'histoire du cinéma se confond avec celle des effets spéciaux dès les premiers films de Méliès. La capacité à truquer l'image, à la modifier, à changer son régime, a fait des bonds exponentiels depuis une vingtaine d'années avec l'apparition des effets spéciaux numériques. Aujourd'hui, le trucage numérique est devenu omniprésent dans les superproductions. Il ne sert plus seulement à produire des effets spéciaux ou des univers fantastiques. Un nouveau régime a été créé pour les doublures numériques où les comédiens se mettent au service d'un personnage virtuel jusqu'à l'avènement prochain du tout numérique. Effets spéciaux numériques, capturez-les tous, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour plonger dans cet univers de pixels numériques, de personnages et de décors virtuels, nous avons le plaisir de recevoir deux invités bien réels. Pascal Pinto, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, scénariste, auteur d'une bible sur le sujet, un volume imposant, Effets spéciaux, deux siècles d'histoire. C'est publié chez Bragelonne. Bonjour Christian Guillon. Bonjour. Vous êtes superviseur d'effets visuels, fondateur des sociétés Lest pour l'étude et la supervision des trucages et ADN pour agence de doublure numérique. Nous faisons cette émission aujourd'hui puisque la Cité des Sciences a ouvert il y a peu une indispensable exposition à ce sujet, effets spéciaux, crever l'écran. Vous avez le temps d'y aller, c'est jusqu'au 19 août prochain. Et comme d'habitude, vous pouvez nous suivre en analogique sur les ondes ou en numérique sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Alors pour commencer, on a vu récemment l'une des dernières prouesses en matière d'effets spéciaux numériques en la résurrection de Peter Cushing dans le rôle du grand Moff Tarkin dans le dernier spin-off de la saga Star Wars. Est-ce que l'on touche du droit, selon vous, le graal du numérique, à savoir la substitution totale et réaliste d'acteurs en chair et en os par des acteurs virtuels, Christian Guillon? Écoutez, on en est proche, on s'en approche. Vous savez, il y avait une théorie qui a duré très longtemps qu'on appelait la Uncanny Valley, qui disait que... La vallée de l'étrange. Voilà, selon laquelle plus on s'approchait du réalisme absolu et plus on s'en éloignait, en fait. Moi, je pense qu'on a jeté un pont sur la Uncanny Valley. C'est vrai que le visage humain était le dernier bastion du privilège de la prise de vue pour assurer le réalisme d'une image et la ressemblance d'un personnage. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les doublures numériques, ou en anglais digital double, les technologies qui nous permettent aujourd'hui de produire ces doublures numériques sont suffisamment avancées pour que nous sachions maintenant fabriquer une doublure numérique d'un acteur, d'un personnage, d'une personne, qui soit à la fois suffisamment photoréaliste, c'est-à-dire qui fasse illusion, qui puisse passer pour une prise de vue réelle, et suffisamment ressemblante, c'est-à-dire qui nous assure qu'il s'agit bien de la personne qu'on connaît. Pascal Pinto ? L'exercice de style qui a consisté à ressusciter Peter Cushing a été très compliqué parce que ILM a utilisé un moulage de Peter Cushing qui datait déjà d'il y a quelques années. Et en plus, elle a dû après greffer sur ce physique les mouvements d'un autre visage qui était ceux du comédien qui avait été engagé pour jouer ce rôle. Et le superviseur des effets visuels du film que j'avais interviewé m'avait expliqué que c'est toujours très difficile de prendre un visage préexistant et ensuite de lui garder sa ressemblance, que ce sont les muscles d'un autre visage qui l'animent. C'est toute la difficulté de l'exercice. Et c'est donc la raison pour laquelle l'apparition de Peter Cushing dans Rogue One était très intéressante. Je dirais que sur le curseur de la réussite totale, c'est peut-être sur 70-75%. Mm-hmm. Dans certains plans, ça marche très très bien. Dans d'autres, particulièrement quand il y a des animations de prononciation de mots, quelquefois, Peter Cushing cesse un petit peu de se ressembler à cause de ce que je viens d'expliquer. Et c'est toute la difficulté de l'exercice. Oui, mais alors, la question de la ressemblance est essentielle parce que elle dépasse largement le cadre technique. En gros, pour les doublures numériques, il y a deux grandes catégories lorsqu'on doit s'attaquer à ce problème-là. C'est soit des personnages existants qui sont encore vivants, soit des personnages qui sont décédés. Pour ceux qui sont existants, on a développé des technologies de capture. Aujourd'hui, chez ADN, on avait fabriqué ce qu'on appelait un life stage, qui permet de mettre une personne dans un dispositif. Et le dispositif nous permet, d'une part, de scanner la morphologie du personnage, Aujourd'hui, ça se fait par photogrammétrie, c'est relativement courant. Et d'autre part, d'enregistrer la nature de la peau, la façon dont la peau, à chaque endroit du visage, la façon dont la peau réagit à la lumière. Bon. Et cet enregistrement de la façon dont la peau réagit à la lumière qui se distingue entre comment la peau est diffusée par la... Comment la lumière, comment la lumière est diffusée, comment elle est absorbée et comment elle est réfléchie. Mm-hmm. Donc il y a trois grandes catégories. Ce qui est d'ailleurs la même chose pour les effets spéciaux de maquillage, hein, pour les amis de l'animatronique. Ces trois enregistrements-là nous permettent de fabriquer un modèle de la personne qui soit générique. J'entends par générique au sens où lorsqu'on le met dans un environnement lumineux différent de celui dans lequel il a été capté, il va réagir différemment, il va réagir comme le vrai personnage aurait réagi dans un environnement lumineux similaire dans le monde réel. Et donc, une personne réelle peut être capturée, et puis la troisième... La troisième capture, c'est la capture de la gestuelle, ce qu'on appelle la motion capture. Donc, si vous avez la morphologie, si vous avez la texture de peau, et si vous avez la gestuelle, vous pouvez recomposer une personne. Et ça, c'est plus facile avec une personne existante parce qu'on l'a capturée elle-même et que c'est elle-même qu'on retransmet. Ce que disait Pascal Pinto, c'est que la difficulté avec Peter Cushing, c'est que on calquait sur le visage d'un comédien qui faisait de la motion capture, donc de la capture de mouvement, de la performance capture, même comme on dit aujourd'hui, et on lui calquait les traits, les muscles et la physique. La physionomie de Peter Cushing, ce qui est beaucoup plus compliqué. C'est pas la seule difficulté. La difficulté avec une personne décédée, c'est de reconstituer la morphologie. Alors, pour ça, effectivement, si on a un moulage, c'est formidable. Si on a des photos, des films, si c'est un comédien, on a beaucoup de films, donc on peut se servir de ça. Mais je sais que la principale difficulté n'est pas tellement de retrouver la morphologie techniquement, mais c'est de décider quelle morphologie on veut. De décider quelle est la référence à laquelle on veut se raccrocher. Pour un personnage public, y a énormément d'images qui ont circulé et qu'on a en mémoire. Et il faut trouver l'image résultante qui est le plus partagée par le public pour être certain que notre modèle va être ressemblant, non pas au vrai personnage, mais au personnage imaginaire, si vous voulez. Pascal Pinto, un petit mot encore sur ce sujet, et puis on va élargir un peu notre champ de vision et notre champ d'investigation. Mais vous disiez sur Peter Cushing, effectivement, c'est réussi à 75%, c'est votre marqueur, votre estimation. C'est vrai qu'on n'est pas encore tout à fait dans le régime on est dans le régime du vraisemblable, mais on se rend bien compte que ça n'est pas vraiment Peter Cushing. C'est-à-dire qu'on réalise encore que c'est un trucage, mais on est aujourd'hui, les effets spéciaux ont été faits l'année dernière, en 2016. Ça veut dire qu'un an, deux ans, trois ans, on touche du doigt, comme disait Christian Guillon, le moment où on va arriver à une superposition totale entre le trucage numérique et la vraisemblance absolue de ce trucage numérique. Probablement. Quoique, lorsqu'il va s'agir, encore une fois, de reconstituer des personnes qui ne sont plus là, et quand on aura très peu d'éléments concrets pour le faire, là, en l'occurrence, je parlais de ce moulage en plâtre du visage de Peter Cushing, évidemment, ILM a puisé dans les archives cinéma de Star Wars, puisque le film a été renumérisé il y a peu de temps en 4K, donc ils ont cherché tous les plans de Peter Cushing dans le film pour pouvoir faire ces images. Mais la difficulté, ça consiste à obtenir une bonne animation, une animation qui colle vraiment bien à la morphologie de la personne qu'on cherche à reconstituer. Sur le plan de l'animation, c'est vrai que la deuxième difficulté dont vous faisiez état, c'est celle de mettre en correspondance la caractérisation du visage d'une personne avec celle d'un comédien, puisque l'idée, c'est de faire jouer un personnage par un comédien différent. Mais c'est aussi l'intérêt de la douleur numérique. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer toutes les possibilités qui s'ouvrent devant nous quand vous avez un personnage entièrement numérique qui peut être animé au sens général du mot, non seulement au sens technique, mais au sens général, qui peut être animé par un autre comédien. C'est-à-dire qu'un comédien peut jouer sous le visage d'un autre comédien. Un comédien peut jouer sous le visage d'un animal, d'un monstre, etc. Monstres ou sur les personnages, disons, fantastiques, on verra tout à l'heure que ça a déjà été fait, que c'est peut-être un peu plus facile, parce que le degré d'adhésion ou de réalisme ou de photoréalisme est d'un seul coup un peu distant. Voilà, donc la mise en correspondance, oui, se fait. Déjà, il y a une chose, c'est que tous les muscles du visage sont les mêmes pour tout le monde. Bon. Par contre, la façon dont ils bougent est unique pour chacun d'entre nous. Donc, il est nécessaire de caractériser l'animabilité d'une personne et c'est ce qu'il faut faire lorsqu'on fabrique une doublure numérique, et de caractériser l'animabilité du comédien qui va jouer le rôle, et de mettre ces deux caractérisations en correspondance. En un mot, je vais vous poser la même question qu'à Pascal Pinto. En un mot, Christian Guillon, la vraisemblance absolue, c'est-à-dire le moment où on ne pourra plus distinguer, contrairement à ce fameux Peter Cushing, un comédien numérique d'un comédien en prise de vue réelle, vous la prévoyez dans combien de temps? Comme ça, aux doigts mouillés. C'est une affaire de entre 5 et 10 ans. Alors, on va faire un peu machine arrière, on va remonter dans le temps, dans les 50 minutes qui nous restent, parce que on a un programme chargé. Peut-être avant d'arriver au premier trucage numérique et aux premiers effets spéciaux numériques, un mot peut-être, Pascal Pinto, sur les effets spéciaux qui préfigurent ces trucages. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver au trucage numérique, il y a un certain nombre de trucages, on n'a pas le temps de tous les évoquer ici, mais il y a quelques techniques qui ont été mises au point et qui ont permis au trucage numérique de petit à petit venir et de s'incruster dans une image analogique. Alors il y a quelques centaines de techniques qui ont été mises au point, donc on n'a pas le temps de les citer toutes ici, mais enfin, pour vraiment faire un résumé assez condensé, on va dire que grosso modo, Georges Méliès a inventé le principe de manipulation de l'image, il a repris des trucs utilisés par les photographes qui déjà à l'époque faisaient des caches, des contre-cache, il a appliqué ça au cinéma, il a mêlé à tout ça son savoir-faire de magicien de musical. Comme c'était un excellent caricaturiste et un très bon artiste, il a aussi, on peut dire, créé les premiers décors virtuels de l'histoire du cinéma, puisqu'il mélangeait des découpes dans son studio, parce qu'il a été l'un des tout premiers à créer un studio de cinéma. Et donc, il a mélangé ce qui était peint, ce qui était découpé avec des acteurs, des accessoires en trompe-l'œil, etc. Il a créé un vocabulaire de base des effets spéciaux qui a été ensuite repris. Lui, il est toujours resté dans le registre de la fantasmagorie, ce qui a d'ailleurs été un peu la raison de sa perte, parce qu'il s'est beaucoup répété dans le même registre, alors qu'on aurait pu imaginer qu'il évolue au bout d'un moment dans sa carrière vers des effets plus réalistes, ou enfin dans différents domaines. Et puis après, tout ça a été repris. Dans les années 30, il y a eu des grands marqueurs comme... dans les années 20, il y a eu Metropolis, par exemple, avec les maquettes gigantesques dans lesquelles on voyait ce trafic aérien routé de lignes de métro qui traversaient les canyons de Metropolis, inspiré de New York, bien sûr. Et pour faire ces scènes-là, on utilisait l'animation image par image, la stop motion. C'est-à-dire qu'il y avait, je crois, 6 ou 7 animateurs qui rentraient sur le plateau et qui, avec des petites baguettes, etc., poussaient les petites voitures miniatures qui avançaient sur les routes, les wagons de train, les avions qui étaient suspendus à des fils métalliques invisibles et qui animaient donc ce trafic aérien à raison de quelques images par journée de travail, quoi. Donc voilà. Qui est une technique qu'on utilise aujourd'hui encore pour l'animation, bien sûr, surtout. L'animation image par image est toujours utilisée, oui, tout à fait. Il y a eu évidemment les peintures sur verre qui ont permis de peindre sur une plaque de verre d'abord devant la caméra des parties manquantes de l'image ou des parties qu'on voulait modifier. Par exemple, le haut d'un bâtiment qui a été tombé en ruine, qu'un peintre, en regardant dans le viseur de la caméra, complétait. On pouvait aussi rajouter des nuages beaucoup plus dramatiques dans un ciel banalement gris. Ensuite, on a transposé cette technique avec la tireuse optique, qu'on appelle en France la truca, et on a fait des mélanges donc de peinture et de prise de vue, et puis on a fait des images puzzle, qu'on a appelées des images composites. J'essaie d'aller vite. Il y a eu l'incrustation sur pellicule, matte painting. Voilà, l'incrustation sur pellicule, matte painting, on va reparler de tout ça, parce que pour arriver assez effectivement rapidement aux années 60, peut-être qu'on peut dire, Pascal Pinto, que les premiers trucages numériques sont en fait d'abord des trucages sonores. Alors, si vous voulez. Non, moi, j'y tiens pas absolument. C'est vous le spécialiste. Moi, je ne fais que poser la question. J'ai surtout travaillé dans le domaine de l'image. Et c'est vrai que les premiers trucages numériques, ils apparaissent dans les années 70, notamment pour une main en synthèse qui avait été faite par Ed Catmull pour un film qui s'appelait Les Évadés du Futur. C'était la suite de Monde Ouest, dans lequel on voyait ce plan d'une main qui se ferme. Alors, c'était tout à fait basique. C'était une main définie par quelques lignes, etc. Mais enfin, c'est un des tout premiers plans en image de synthèse de l'histoire du cinéma. Christian Guillon, vos premiers souvenirs de trucage numérique, à quel moment est-ce que s'inviter dans votre carrière? Juste pour revenir à ce que vous dites, c'est vrai que le numérique est arrivé d'abord par le son dans le cinéma. Bon, mais là, nous, on parle de l'image et on n'est pas compétent sur le son. Et dans l'image, c'est vrai que le numérique est arrivé par les effets spéciaux en premier et assez longtemps resté l'apanage des effets spéciaux. Et ensuite, si. Il s'est répandu dans le reste des processus. Il faut bien distinguer pour nos auditeurs la différence entre effets spéciaux et effets numériques. On ne parle pas tout à fait de la même chose. Oui, alors il y a deux distinguos à faire dans ce qu'on dit. Il y a le distinguo entre effets spéciaux et effets visuels. Et ensuite, il y a le distinguo à faire entre manipulation d'image et création d'image, 2D et 3D. Donc, effets spéciaux, effets visuels, on appelle aujourd'hui traditionnellement effets spéciaux toutes les techniques qui sont mises en œuvre sur le plateau et qui sont filmées, comme le maquillage, l'animatronique, et puis d'ailleurs y compris les effets atmosphériques, la neige, la pluie, etc. Ou les effets pyrotechniques, les explosions, etc. Et on appelle effets visuels tout ce qui se fait en post-production, c'est-à-dire après le tournage. Voilà. Et dans la post-production, je crois que c'est utile de faire le distinguo entre la 2D et la 3D. 2D, qu'on pourrait appeler la manipulation d'image, et la 3D, qui est la création d'image par un calculateur, par l'image de synthèse. La 2D, ce qu'on appelle la 2D, le compositing, le matte painting, etc., s'inscrit totalement dans la continuité de ce qui se faisait avant. De ce que vient de décrire Pascal Pinto les techniques de Bélias, finalement. Absolument. L'exemple du matte painting est un très bon exemple, puisque c'est une fonction. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est. C'est simplement de mélanger à une prise de vue réelle une illustration. C'est-à-dire qu'on prend une prise de vue réelle et on complète la prise de vue réelle avec quelque chose qui est de l'ordre de l'illustration. Exemple, le final de la planète des singes. Voilà, exactement. Pour ceux qui l'ont vu. Voilà. Qu'on ne révélera pas ici. Et ça, cette fonction-là, qui est ce mélange d'illustration avec image filmée, elle a commencé avec Méliès, où on faisait simplement des petits cartons dessinés ou des petits cartons peints qu'on mettait en avant-plan pour compléter un décor, parce que le studio était tout simplement pas assez grand. Bon. Ensuite, il est passé par tout ce que Pascal a décrit, ce qu'on appelle la glace peinte, on met une glace devant la caméra, puis par ces procédés de post-production, mais argentiques. Il y a eu là plein d'avatars de cette technique-là. Le mot est bien choisi. Oui. Et puis aujourd'hui, on le fait en numérique, on le fait sur un ordinateur avec un logiciel dédié, mais la fonction reste la même, exactement. Et puis, on avance dans le temps, parce qu'il est déjà 16h20. En 1982, sort ça. L'aventure commence dans notre monde, de ce côté de l'écran vidéo, et plonge dans un micro-univers qui vit et respire dans les espaces de l'imaginaire. C'est le monde de Tron. Ses plans de jeux vidéo lui ont été volés. Pym va défier l'ordinateur le plus puissant du monde. Allez, mon petit, fais voir ce que t'as dans le ventre. Je vais devoir vous programmer sur le circuit des jeux. Au sein même de l'ordinateur, prisonnier. Ok. De l'autre côté de l'écran, un génie de l'informatique doit triompher des pièges, des jeux qu'il a lui-même créés. Voilà, Tron, en 1982, pourquoi ce film est important? Pourquoi est-ce qu'il marque un tournant dans le début, peut-être l'avènement des effets spéciaux numériques et du numérique au cinéma plus généralement? C'est un des premiers films dans lesquels des plans entiers, non pas des séquences entières, mais en tout cas des plans entiers ont été faits en images 3D. Et pour resituer un petit peu l'image de synthèse à cette époque-là, il faut expliquer que donc dans les années 50-60, l'image de synthèse n'existait pas réellement. Elle a été les premières images de type fil de fer générées par ordinateur ont été faites pour l'industrie aéronautique pour créer des plans d'avions, de faire des études d'ingénierie. Et même à cette époque-là, on n'avait pas encore de moniteurs vidéo sur lesquels apparaissaient ces images. Elles étaient tracées avec des imprimantes, etc. Donc tout ça a été très long, très fastidieux. Les grands calculateurs, les ordinateurs capables, par exemple, de maîtriser le fonctionnement, l'automatisation de grandes usines ou de centrales atomiques, par exemple, ont dû être détournés de leur utilisation pour être ensuite utilisés sur du calcul d'image. Mais ça a été fait de façon très pénible. On a détourné aussi pour, par exemple, même à l'époque de Tron, des moniteurs de haute résolution qui étaient destinés à la médecine, tout simplement. Et on refilmait l'écran avec une caméra 35 mm, on refilmait l'écran vidéo haute résolution. Et on faisait, en fait, on mettait différentes gélatines pour enregistrer d'abord le bleu, le rouge et le vert. Enfin, c'était incroyablement artisanal et pénible. On n'arrivait pas encore à l'époque à générer directement de la synthèse. Et c'est donc par le biais de toutes ces techniques semi-artisanales, ce qui est très paradoxal, paradoxal quand on parle de synthèse que les studios Disney ont réussi à faire ces quelques plans de Tron entièrement en synthèse. Et il faut préciser qu'à chaque fois qu'on voit les personnages, qu'on voit notamment Jeff Bridges qui joue le rôle principal du film, ce n'est pas de la synthèse, mais c'est une manipulation par des celluloïdes. Le personnage de Jeff Bridges était en fait filmé en noir et blanc. Il portait un costume dessiné par Jean-Giraud, Möbius, avec des graphismes noir et blanc très marqués. Et ensuite, il y a eu toute une manipulation. Excusez-moi, là, il faudrait que je me renumérise correctement. Donc, toute une manipulation d'images avec des techniques finalement d'animation, du cinéma d'animation, qui a consisté par des effets de gélatine avec de la lumière sous la caméra d'en-titre à réinjecter de la lumière dans les silhouettes des acteurs. Ce qui est très compliqué, effectivement, hein, c'est que en 1982, à l'époque de Tron et pendant quelques années encore, le cinéma, c'est de la pellicule, c'est de l'analogique. Donc, réussir à incruster des effets numériques dans de l'analogique, c'est très artisanal, comme vient de le décrire Pascal Pinto, Christian Guillon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant très longtemps, les images analogiques et les images numériques étaient séparées. Mm-hmm. C'était deux espèces différentes qui ne pouvaient pas se reproduire. On ne pouvait pas intégrer des images numériques dans du film, et l'inverse non plus. Donc les images de synthèse se sont développées indépendamment du cinéma, et pendant très longtemps, d'ailleurs, le cinéma les a méprisées. Hein. Et ça n'est qu'au début des années 90 qu'on a pu fermer la boucle qui permettait de passer de l'un à l'autre et réciproquement avec l'apparition des scanners. Les scanners étant le dispositif qui permet de prendre une image argentique et de la mettre sur un support numérique. L'inverse, à savoir prendre une image numérique, la mettre sur un support argentique, existait déjà un petit peu avant, on appelait ça l'imageur, mais c'était au milieu des années 80. Bon. Donc, quand on a commencé à vouloir incruster, vous me posez la question quand est-ce que j'ai commencé à le voir, moi c'était dans les années 85-86, on a fait un film dans lequel on voulait intégrer des images de synthèse. Mais quel film ? Le film s'appelait L'Unique, c'est le premier film européen dans lequel il y avait des images de synthèse. Mais pour intégrer ces images de synthèse, il fallait d'abord qu'on les filme avec une caméra pellicule, une caméra argentique, et ensuite c'est en trucage optique argentique qu'on pouvait les incruster dans la prise de vue réelle, dans le reste du film, vous voyez. Donc, à ce moment-là, a commencé ce que j'appellerais une grande aventure, qui était l'aventure de l'hybridation. Comment mélanger argentique et numérique. Et cette aventure de l'hybridation a duré très longtemps, elle a duré 20 ans. Et pendant 20 ans, on a inventé tous les ans ou tous les jours des dispositifs différents et nouveaux pour permettre de faire passer tout simplement une image d'un support à l'autre, ce qui aujourd'hui est une évidence. Il faut parler, cette histoire ne serait pas complète, vous avez mentionné tout à l'heure Pascal Pinto, ILM, hein, Industrial Light and Magic, créé au début des années 80, c'est le studio de George Lucas qui va beaucoup contribuer. Fin des années 70, Star Wars, en 76 exactement. Oui, c'est ça. Mais il faut dire par exemple qu'il n'y a pas de trucage numérique à proprement parler dans le premier Star Wars. Il y a juste quelques images de synthèse sur les viseurs, vous savez, pendant l'attaque des Étoiles de la Mort. Mais qui sont on peut dire pour rebondir sur ce que vient de dire Christian Guillon, c'est que aussi le premier mélange numérique prise de vue analogique, c'est dans un film de Barry Levinson qui s'appelle Le secret de la pyramide en français, Young Sherlock Holmes. Oui, tout à fait. C'est fait par John Lasseter qui est le futur fondateur de Pixar. Et là aussi, en fait, on découpe la pellicule pour incruster à la main. Enfin, là aussi, on est vraiment dans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme le disait Christian, là, le personnage en l'occurrence intervient dans une séquence de cauchemar. Enfin, c'est un prêtre qui voit bondir d'un vitrail un chevalier donc de verre qui atterrit sur le sol et qui le menace avec son épée. Donc le personnage a été animé par John Lasseter. Il faut préciser qu'à l'époque, Pixar appartenait encore à George Lucas. Qui l'a revendu quelques années plus tard à Steve Jobs. Et donc, le chevalier était animé à part, et ensuite, il était mélangé, incrusté, avec la tireuse optique sur ces images de synthèse. Dans tous ces films-là, il y avait production d'une image de synthèse. Ensuite, il y avait transfert de cette image de synthèse sur de la pellicule, mais image de synthèse seule, grâce à un imageur qui était, en gros, globalement, une caméra film qui filmait un écran numérique. Hein. Et ensuite, on passait dans une technique traditionnelle qui permettait depuis les années 20 de faire des incrustations, parce que l'argentique savait faire des incrustations, y compris des extractions fond vert, fond bleu, etc. Bon, on passait en technique traditionnelle argentique pour incruster les images de synthèse produites séparément dans la prise de vue réelle. Mais je voudrais juste préciser que en Europe, il y a eu quand même des. Je vous citais tout à l'heure le film L'Unique de Jérôme Diamant-Berger. On vient de mettre le lien justement vers. Il y avait également. Il y a eu quelques années plus tard, deux ans plus tard, ou même à peine, je crois, le film de Pierre William Glenn qui s'appelait Terminus, dans lequel il y avait des images de synthèse incrustées. Et c'est par ce même procédé, c'est-à-dire on sort les images synthèse séparément et on les incruste ensuite de façon analogique. On avance dans le temps, début des années 90, alors on va reparler de James Cameron tout à l'heure avec Terminator 2 qui marque une première étape avec l'apparition du morphing, mais il y a un film qui marque vraiment un basculement, on est en 1993. C'est un dinosaure. Il l'a fait. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. Relié à la poubelle toutes les théories sur ces animaux à sang froid, elles sont toutes fausses, on le voit bien là. C'est une créature à sang froid. Cette chose ne vit pas dans un arrêt. Cette chose a un coût de 7, 8 mètres. Le brachiosaure, 9. Voilà, il y est arrivé ce vieux taré, c'est une sorte de clin d'œil à ce qu'a réussi à faire Spielberg, qui n'était pas si vieux pourtant à l'époque. Hein. Jurassic Park, Pascal Pinto, qui marque effectivement pour le coup vraiment, on hésite, hein, Terminator 2 de James Cameron 91, mais Jurassic Park, disons qu'il y a une vraie bascule dans le sens où c'est Spielberg qui décide véritablement à un moment donné de dire, en voyant ce que les images, les premiers effets spéciaux numériques, en disant on va retirer des animatroniques, on va retirer des effets spéciaux analogiques. Alors pas exactement. Pour revenir deux secondes sur Cameron, en fait, Terminator 2, ça a été le premier film qui a été entièrement post-produit numériquement. C'est-à-dire que ça marque ce que Christian expliquait, c'est-à-dire vraiment le scanner, la digitalisation de toutes les prises de vue réelles, et ensuite les retouches, et même l'étalonnage, le fameux bleu acier de Terminator, il a été aussi conçu comme ça. Et donc Jurassic Park, ça a été au départ un film qui était prévu pour mélanger deux techniques, l'animatronique pour tous les plans, on va dire les gros plans et les plans moyens des dinosaures. C'était donc Stan Winston, le maquilleur Stan Winston, qui a développé des techniques d'animatronique avec son équipe, et notamment des techniques qui provenaient des parcs à thème, parce que Spielberg était le conseiller des parcs à thème Universal aux États-Unis, et il avait vu, pour la petite histoire, une attraction sur King Kong qui s'appelait Kongfrontation au studio Universal de Floride, avec un gorille géant qui était animé par un spécialiste de l'ingénierie et des robots qui s'appelait Bob Gurr. Et il avait trouvé ça extraordinaire et il s'était dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas ce qu'on a toujours vu dans la culture populaire, c'est-à-dire la fameuse image cliché, mais qui n'a jamais réellement existé, du dinosaure géant robotisé, utilisé dans un film. Et donc il a fait rencontrer Bob Gurr et Stan Winston, et c'est comme ça donc que sont nés les dinosaures animatroniques de Jurassic Park. Mais par contre, pour les plans larges, il était prévu qu'un animateur image par image qui s'appelle Phil Tippett fasse toutes ces séquences de marche et de course en animation image par image. Phil Tippett, qui est un grand nom des effets spéciaux aussi, qui s'est converti au numérique d'ailleurs un peu plus tard. Pareil. Voilà, alors, donc Phil Tippett avait déjà préparé en animation image par image schématique toutes les scènes des raptors dans la cuisine, de la poursuite de la Jeep dans la nuit, etc. Et parallèlement à ça, il y avait quand même un plan du film qui posait problème, c'était le plan de la plaine avec tous les gallimimus qui couraient derrière le personnage du docteur et des enfants. Et il y en avait tellement dans ce plan-là, pardon, qu'il était impossible de tous les animer image par image. Et c'est la raison pour laquelle ILM a fait des tests d'abord avec des squelettes animés de ces dinosaures. Et les squelettes étaient plutôt bien. Et puis après, ils se sont amusés à mettre de la peau sur ces squelettes. Et puis c'était vraiment bien. Et puis à un moment, deux des animateurs d'ILM se sont dit « Allez, on va quand même faire un test sur le T-Rex ». Ils ont fait un test sur l'animation du T-Rex. Spielberg et Phil Tippett sont venus voir le test, et quand la lumière s'est rallumée après la projection, Phil Tippett a dit à Spielberg, je crois que je fais partie d'une espèce en voie d'extinction. C'était donc un film métonymique à plein d'égards. Jurassic Park, on a 6 minutes d'effets spéciaux contre 9 d'animatronics, donc le rapport numérique analogique est encore en faveur de l'analogique, mais néanmoins Christian Guillon, c'est vraiment là pour le coup le point de départ de l'invasion, non pas des dinosaures, mais du numérique. Dans le cinéma. Oui, l'exemple de l'étalonnage est un bon exemple. C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure que le numérique est arrivé dans le cinéma par le biais des effets spéciaux, et puis progressivement il a envahi les autres postes, les autres départements du cinéma. Ça a commencé par le montage. Il y a eu des dispositifs de montage qu'on appelait montage virtuel, qui ont remplacé la traditionnelle table de montage. Les ciseaux classiques. Puis effectivement, c'est l'étalonnage numérique qui a tout d'un coup est devenu prédominant. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, les outils de scanner, les scanners sont devenus meilleur marché. Donc il a été possible de scanner l'ensemble du film pour un coût qui était raisonnable. Alors qu'auparavant, on ne scannait que les plans truqués, qu'ensuite on réinjectait dans la filière argentique. Mmh. Donc à partir du moment où les scanners sont devenus d'un coût raisonnable, on a scanné l'ensemble du film, et là il est devenu possible de d'étalonner l'ensemble du film. L'étalonnage, c'est une opération qui consiste à harmoniser tous les plans du film. Hein, sur un film, les couleurs, le contraste, la lumière. Il y a 800 ou 1000 plans, on prend tous ces plans-là et on les harmonise pour que ça soit cohérent. Autrefois, ça se faisait en argentique, sur la tireuse optique. Et évidemment, le numérique offre des possibilités d'étalonnage qui sont 100 fois plus riches. Bon, donc, quand c'est devenu possible, ça a tout de suite, c'est tout de suite devenu une pratique très courante. Mmh. Et puis, alors, on en est là où c'est l'étalonnage qui est arrivé dans le numérique. Je voudrais juste corriger quand vous dites animatronique contre image de synthèse, analogique contre numérique. C'est pas tout à fait vrai, parce que dans l'animatronique, le numérique est très présent, hein, puisque les personnages animatroniques sont déjà, enfin il y en a moins en moins aujourd'hui malheureusement, mais à l'époque ils étaient déjà majoritairement animés par des moteurs pas à pas électroniquement, voilà. Alors non, c'est-à-dire qu'il y avait un intermédiaire, hein. Oui, c'est ça. Moi, j'avais eu la chance d'être sur le plateau de Jurassic Park 3, mm-hmm. et d'avoir vu les dinosaures fabriqués par Stan Winston, qui étaient absolument extraordinaires, mm-hmm. et il y avait des systèmes par exemple comme un harnachement il y avait dans ce film un dinosaure qui avait la tête de crocodile, le spinosaure, qui mm-hmm. était la plus grande créature jamais faite pour un film fantastique, et qui détient toujours le record encore aujourd'hui en animatronics. Et donc, il y avait une personne qui avait une espèce d'armure sur les épaules et sur les bras, qui, avec un système de relation maître-esclave entre elle et puis le tomate géant, l'animait en temps réel. C'est-à-dire qu'entre les mouvements détectés sur son corps et le robot géant, animé par des systèmes hydrauliques très puissants, il y avait un ordinateur qui interprétait et qui retransmettait les signes. On commence à trouver les racines du motion capture presque. Au début des années 2000, j'ai fait un film dans lequel il y avait des petits personnages animatroniques. Mmh. Quel film ? Ça s'appelait Babel, Pulicino. Et dans ce film-là, les petits personnages animatroniques étaient préprogrammés. Donc les dialogues, parce qu'il parlait, il y avait le visage, les yeux, la bouche qui est animée. L'animation était préprogrammée, elle était enregistrée, et sur le tournage, on faisait jouer l'animatronique qui était préenregistrée. Donc, vous voyez, si vous voulez, on n'est pas loin. On a tort, je pense, d'opposer effets spéciaux et effets visuels en analogique numérique. Le numérique existe dans les effets spéciaux également. Il faut refaire un tour par Cameron quelques années après, avec Titanic évidemment, Pascal Bintot, qui marque aussi un autre passage, c'est-à-dire qu'on sort du fantastique d'une, et puis surtout d'un seul coup le numérique aide à la composition d'une fresque historique, et pas seulement de créatures comme des dinosaures, vraiment c'est un instrument supplémentaire, comme une deuxième caméra qui se met au service du réalisateur. Tout à fait, et on est encore dans une période un peu hybride, puisque dans Titanic, les plans du bateau sont en grande partie réalisés avec toute une série de maquettes à différentes échelles. Par contre, l'océan, lui, il est fait en images de synthèse. Les dauphins qu'on voit bondir à la surface sont faits en images de synthèse. Les mouettes, évidemment, aussi. Et aussi, dans certains plans, quand le bateau se casse en deux et se met à la verticale, évidemment, les gens qui tombent, et ça, malheureusement, c'est encore un petit peu voyant, c'était les figurants en synthèse. Il y a aussi plusieurs plans de la salle des machines, très impressionnants, qui sont faits avec des acteurs réels au premier plan et des figurants en synthèse à l'arrière-plan. Donc des figurants en synthèse, on va arriver à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'un des premiers Graals qui a été trouvé, c'est celui de ce qu'on appelle le motion capture, c'est-à-dire la capacité d'intégrer des personnages humains, humanoïdes, avec en la matière un personnage qui marque, lui, une transition entre un avant et un après, c'est celui-là. Pourquoi est-ce que Gollum est un point de rupture dans le motion capture au cinéma ? Est-ce que c'en est un, selon vous, Pascal Pinto ? Tout à fait, parce que quand on l'a vu au cinéma en 2002, puisqu'il n'était pas encore prêt pour le premier volet du Seigneur des Anneaux, c'est intéressant à signaler, parce que on l'entrevoit dans le premier volet, il a une forme qui est complètement différente de ce qu'on va voir après, et il a fallu près d'un an de travail, de recherche et développement pour le mettre au point, et quand il apparaît en 2002, on voit vraiment la première créature humanoïde qui donne l'impression d'exister, qui a un regard qui est juste, dans lequel on croit lire une âme, tourmentée certes, mais une âme quand même, et puis des émotions qui sont parfaitement reproduites, hein, avec un système que Peter Jackson a vraiment mis au point, qui consistait à vraiment à dire aux animateurs, vous calez sur le jeu d'Andy Serkis, qui jouait le personnage. Parallèlement à ça, ou un petit peu avant, il y a eu la tentative du Pôle Express de Robert Zemeckis, mm-hmm. avec Tom Hanks, sur lequel on avait collé tout un tas de petites billes sur le visage. Bon. Et quand on a vu le résultat du Pôle Express, on n'a pas du tout eu la même sensation. On a l'impression d'avoir un peu des zombies en train de bouger. Et pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un directeur de l'animation du film qui m'avait appris. Robert Zemeckis, lui, il était puriste du système qu'il avait inventé. Et donc, il disait aux animateurs, ne regardez pas les acteurs, fiez-vous aux données, rien qu'aux données. Seulement, le problème, c'est que les billes se détachaient souvent du visage de Tom Hanks. On n'arrivait pas à coller des petites billes sur ses paupières, notamment. Le regard était recréé après le tournage des prises de vue. Et donc, à l'époque, ça ne fonctionnait pas. Par contre, Peter Jackson et l'équipe de Weta Digital ont parfaitement réussi Gollum. Ce qui est intéressant, Christian Guillon, c'est qu'on va avancer, parce que l'heure tourne dans le temps, mais ce Andy Serkis qui devient le premier acteur virtuel, c'est-à-dire un premier acteur qui va avoir plus de rôles, même s'il a eu quelques rôles en tant que tel au cinéma, mais qui va avoir plus de rôles numériques que de rôles pour lui-même, puisque Andy Serkis, donc c'est Gollum, c'est King Kong, c'est le méchant Snoke dans la nouvelle franchise Star Wars, c'est César, le chimpanzé intelligent dans les trois planètes des singes. Mais vous savez qu'il a failli être nominé aux Oscars. Mais comme donc, quoi, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que c'est là où je suis d'accord sur la rupture, totalement d'accord. Je trouve que Avatar a marqué une rupture parce que tout d'un coup, les personnages calculés, c'est-à-dire les Na'vi, qui sont des personnages fabriqués en images de synthèse, mais animés par des acteurs, et j'insiste sur le mot animé parce que je pense qu'il a un sens, ces personnages-là ont un statut diégétique dans le film qui est totalement équivalent à celui des personnages filmés, des autres personnages du film. Et c'est cette équivalence de statut. On peut prendre l'exemple par rapport au film dans lequel il y a des cartoons qui sont incrustés, il y a des personnages cartoons qui sont amusants, intéressants, etc. Mais leur statut est différent dans le film. Là, le statut est le même. Les personnages calculés sont capables de provoquer chez le spectateur de l'empathie, comme n'importe quel personnage de cinéma. Et c'est là où il y a une rupture totale. Qui me permet de dire aujourd'hui que la bascule entre images filmées et images calculées est en train de se faire. C'est-à-dire que la prééminence dans ce vaste projet d'hybridation dans lequel on est depuis 20 ans, 30 ans, la prééminence de l'image filmée va probablement disparaître au profit de l'image calculée, mais l'image calculée sera nourrie par des enregistrements de phénomènes du réel, comme par exemple la motion capture. Outre le régime ou le statut du comédien qui devient une doublure numérique d'un personnage virtuel, ce qui est intéressant et ce que vient de dire Christian Guillon, c'est que si on prend par exemple un film récent comme le dernier volet de La Planète des Singes, où la plupart des acteurs donc sont numérisés et transformés en singes intelligents, on se rend compte que par rapport aux 6 minutes de Jurassic Park au début des 90, là on est dans un film où quasiment tous les plans sont truqués, retouché numériquement, et effectivement on est sur un film, même si les prises de vue sont réelles, qui est un film qui doit quasiment tout, qui se repose entièrement sur le trucage numérique. En tout cas, en grande partie, puisqu'effectivement tous les singes sont faits en 3D, il y a quand même aussi beaucoup de parties réelles, hein, puisque évidemment les humains sont des humains. Les humains sont presque défigurants par rapport aux singes, en l'occurrence. Il y a Il y a quand même encore beaucoup de vrais décors dans lesquels les acteurs qui portent leur juste au corps avec les marqueurs qui permettent de détecter leurs mouvements, etc., les caméras qui permettent d'enregistrer les expressions, sont tournés. Mais c'est vrai que, pour revenir deux petites secondes à Avatar, c'est à 70% un film d'animation. Et ça permet de bien comprendre le bond, effectivement, qu'on a fait dans le... 2009, Avatar. Voilà, 2009. Donc, 1993, les premiers dinosaures hyper réalistes de Jurassic Park. Et en 2009, on est capable de faire des scènes de jungle, par exemple, dans lesquelles le personnage de Jake, transformé en Na'vi, évolue. Et la jungle est tout aussi fausse que lui. Elle est numérique. Et on peut faire le parallèle, d'ailleurs, avec Jurassic Park. Parce que dans Jurassic Park, il y avait une vraie rupture qui était les animaux en images de synthèse, très réaliste, mais il y avait une intelligence qui était, on prend des animaux pour lesquels on n'a pas de référence, parce qu'on n'a jamais vu de dinosaure. Bon, on aurait pris des chiens ou des chevaux, ça aurait été plus difficile à l'époque. Et puis il y a la problématique des poils qu'on n'a pas abordé, ou des cheveux. Mais, mais aujourd'hui, sauf que c'était en 93, et aujourd'hui, les animaux à poils, à cheveux, à plumes, il n'y a plus aucun problème pour les faire. Oui, c'est encore un point de rupture. Hein. Les cheveux, les poils, on arrive de plus en mieux, mais c'est fait maintenant. Depuis, je ne sais pas si vous avez vu le livre de la jungle, la dernière version faite par Disney, c'est absolument époustouflant. C'est impossible de distinguer ces animaux qui pourtant jouent la comédie et qui parlent de véritables animaux. Voilà. Et là, ils préparent le roi lion. C'est pour ça que je fais le parallèle, parce que Jurassic Park, on a l'intelligence de prendre des animaux pour lesquels on n'a pas de référence. Avatar, on a l'intelligence de prendre des personnages humanoïdes, pour lesquels on n'a pas de référence, puisque ce sont des extraterrestres. Mais on voit bien que les personnages humains avec référence sont très proches. Un mot aussi, ce qui est important dans Avatar, peut-être, et un dernier mot technique, et puis on va écouter un reportage dans une école d'effets spéciaux numériques pour voir la variété et la complexité aujourd'hui de ce qui est appris aux étudiants qui veulent faire carrière dans le numérique. Un mot pour dire qu'avec Avatar, Cameron, qui lui aussi développe un certain nombre d'outils révolutionnaires, invite le numérique jusque sur le plateau de tournage. Avec Fusion 3D, il a ce qu'on appelle un combo qui lui permet de visualiser en direct, alors avec une qualité réduite évidemment, mais de visualiser direct l'application des effets spéciaux numériques sur ces comédiens au lieu de voir des comédiens moulés en latex avec des petites billes sur le corps. Exactement, il tourne alors dans ce qu'on appelle le volume. C'est-à-dire que, la petite ardoise, enfin, comment est-ce qu'on appelle ça déjà ? Une tablette plutôt. Pourquoi une ardoise ? L'ardoise, c'est très analogique. Oui, tout à fait. Donc, la petite tablette qui tient à la main lui sert en fait de caméra. Et c'est avec cette tablette qu'il cadre la scène qui est en train d'être jouée par les acteurs. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est toute la difficulté de bien saisir la différence de tournage de ce genre de film, c'est qu'en fait, même quand Cameron cadre avec sa caméra l'action qui est en train d'être jouée par les acteurs sur le plateau, le système, lui, continue à enregistrer tout ce qui se passe à 360 degrés, partout. Et donc ça permet à Cameron d'avoir une première prise qu'il a filmée comme ça, mais s'il veut revenir et dire, finalement, j'étais là et j'ai bougé trois pas et puis je me suis rapproché de Zoe Saldana et puis ensuite je suis allé vers Sam Worthington, eh bien il peut tout à fait reprendre le plan et rediriger une caméra virtuelle dans son enregistrement. La méthode scientifique, Nicolas Martin. L'heure file quand on parle de cinéma et d'effets spéciaux numériques en compagnie de Pascal Pinto, journaliste, scénariste, auteur de Effets spéciaux du siècle d'histoire chez Bragelonne, et Christian Guillon, qui est superviseur d'effets visuels et fondateur des sociétés Lest et ADN, l'agence de doublure numérique. Nous voilà donc arrivés aujourd'hui, et je vous le disais, on l'a entendu, les effets spéciaux numériques et toute leur palette d'applications ont colonisé totalement l'image cinématographique et télévisuelle. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu donc dans une école d'effets spéciaux numériques, VFX Workshop, où l'on a troqué le silicone pour le silicium. Oui, en tout cas, pas de moulage et pas de maquillage. À VFX Workshop, on y enseigne uniquement des effets spéciaux numériques. Renaud Jungmann est le fondateur de l'école. Il m'a expliqué son projet de former la toute nouvelle génération d'experts en VFX et post-production. Sur un cursus de 3 ans, on y apprend toutes les techniques utilisées dans le cinéma, la publicité et les jeux vidéo. On a plutôt une approche qui est la même que celle des studios, c'est-à-dire que les cours, au lieu d'être des cours de notions, sont des cours orientés sur des départements que l'on peut croiser dans le milieu des effets spéciaux. Par exemple, il y a un département créature, un département environnement, un département hard modeling, un département texture, un département animation. On va prendre l'exemple du département créature. L'étudiant va apprendre avec le professeur des notions telles que l'anatomie, la morphologie. Il va apprendre à modéliser un personnage, à le structurer, à mettre en place à l'intérieur les structures d'animation, donc faire le setup, le rig, le skinning, et donc préparer des créatures. Et quand on parle de créatures, on parle évidemment de personnages humains, de préparer des doublures numériques, pour des cascades par exemple, ou bien sûr préparer des créatures telles que des animaux qui sont souvent mis en scène et qu'il faut pouvoir bien sûr animer aujourd'hui, et bien sûr plus tard avec des connaissances qui vont s'affirmer à l'issue de la deuxième ou au cours de la troisième année, tendre vers la créature fantastique, c'est-à-dire créer évidemment les chimères que l'on peut croiser dans les grands films à effets spéciaux. Et avec toute la complexité que ça engendre, notamment sur la surface de la peau, l'expression, les poils, ou alors l'interaction avec l'environnement, les fluides, de l'eau. Oui, toutes ces connaissances-là, elles sont évidemment à acquérir au travers d'un très grand nombre d'exercices. Donc on a découpé toutes les connaissances des effets spéciaux en exercices, qui sont ni plus ni moins que des tâches que l'on réalise couramment dans les studios d'effets spéciaux. Donc là, on est un petit peu comme des magiciens, on explique les tours, enfin des mauvais magiciens, on explique les tours de magie. Et l'idée, c'est que chacun arrive à réaliser les gestes afin de faire les rotos, la rotoscopie, c'est-à-dire le détourage, d'éliminer les fonds verts pour les remplacer par des décors, et puis bien sûr, fabriquer ces décors, les rendre, c'est-à-dire les texturer, faire en sorte que la lumière réagisse correctement, et ensuite intégrer le tout, donc l'image qui a été filmée, l'image live, et les éléments qui sont en image de synthèse au travail du compositing. Alors ici, on est un peu comme dans un open space, c'est une classe ouverte. Oui, alors là, on est dans un très très bel endroit qui est dans une arrière-cour au milieu d'une espèce de petit village d'entreprise dans laquelle d'ailleurs il y a aussi une école de maquillage, un atelier de dessin, etc. Donc là, on est dans la classe. Il y a un cours actuellement avec Julien Crochet, un autre professeur qui lui donne le cours du département Art Modeling. Là, on est en première année, donc là, ils sont en train de réaliser leurs premiers exercices. On voit un travail de modélisation qui met en scène du mobilier. Donc je sais que vous avez déjà fait du Substance Painter, je crois. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est essayer d'analyser cet objet à gauche. Quelles sont les différentes qualités des matériaux qu'on a là ? Voilà, donc là, on a du plastique qui est opaque. Là, on a du plastique qui est transparent. Ici, là, c'est du plastique dont la réflexion est nette. On voit là les petits reflets qui sont assez nets. La lumière, elle est très régulière. Ici, on voit le reflet de la roue. Par contre, celui-là, là, cette pièce, c'est pas la même matière que celle-là parce qu'on voit pas le même reflet, on voit juste une ombre ici. Et là, on voit que sur cette surface-là, c'est abîmé. Donc on va essayer tout de suite de recréer ces matériaux en commençant par le plus simple, qui sera celui qui est net, en plastique. Mon cours, c'est le hard modeling, donc ça veut dire créer des objets en partant d'objets très très simples, des boîtes, des ronds, et les transformer en objets très complexes comme des voitures, des personnages, des... Et ça veut dire juste manipuler les différents éléments de géométrie qu'on a à notre disposition pour en faire avoir le contrôle total en fait sur les objets, pouvoir en faire ce qu'on veut. C'est vrai qu'avec l'école, on a un meilleur aspect de ce qu'on peut faire plus tard dans l'animation, les effets spéciaux, tout le monde du cinéma aussi en règle générale. Et là, on va travailler sur le lighting. Donc en gros, ça va être comment éclairer une scène, comment la lumière elle va agir sur un objet. Et donc comment ça va influencer la texture de l'objet. Donc on va tester différents éclairages et on va déjà aussi comment gérer l'éclairage, comment l'afficher sur un logiciel en 3D. Ce qui est pratique avec ce genre de technique, c'est que en fait on peut l'appliquer beaucoup plus facilement et surtout beaucoup plus précisément et de façon même des fois qui sont pas possibles à faire en vrai. Et donc ça permet de faire des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus poussées. On ne sait plus faire la différence entre ce qui sort de l'ordinateur et ce qui est réel. C'est vrai qu'avec toujours ce perfectionnement du travail de l'image, la réalité se fond avec la virtualité et finalement on n'arrive plus vraiment à distinguer la frontière entre les deux. C'est un peu le but, c'est de créer cette magie qui est à l'image, faire en sorte que le vrai se mélange avec ce qui est fait en image de synthèse. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à créer une image qui est très très belle, qui est très séduisante évidemment, mais aussi une image qui est enrichie au profit de la narration, ce que recherche le réalisateur en quelque sorte. Et puis bien sûr, quand on est en train de créer des univers fantastiques, on veut donner toute sa richesse et puis tout cet aspect intrigant que l'on peut créer. Et l'outil, dans ce cas-là, il est vraiment très très très important. Voilà leur partage du jour dans l'une des écoles d'effets spéciaux numériques en France. Ça n'est évidemment pas la seule VFX Workshop. Un mot, peut-être une réaction, Pascal Pinto, Christian Guillon, à ce que on vient d'entendre. Peut-être notamment à la place de la France. C'est vous qui le dites, Christian Guillon, qui dit que la France est en pointe dans le domaine des effets spéciaux numériques. Oui, c'est vrai. Tout ce qui a été dit depuis une heure, qui concerne majoritairement des films américains grâce à la grande érudition de Pascal, c'est aussi produit en Europe et particulièrement en France. Et je pense que le numérique, en tout cas, a permis aux studios français de rattraper leur retard qu'ils avaient en analogique, ça c'est certain, en argentique, de le rattraper très très vite. Aujourd'hui, en France, tout ce dont on vient de parler se fait également sur des films avec peut-être moins de retentissement, mais se fait également. Et ce que je veux dire, par exemple, on parlait de Avatar avec le dispositif de simulation temps réel des effets numériques. C'est quelque chose qui se fait également aujourd'hui. On appelle ça la prévisualisation on-set. C'est un dispositif qui permet aux metteurs en scène qui travaillent dans un univers graphique, que ce soit hybride ou totalement graphique, sur le plateau, au moment où il dirige les acteurs en motion capture, par exemple, ça lui permet de visualiser le décor tel qu'il sera au définitif et de faire sa chorégraphie, d'improviser même sa chorégraphie d'acteur ou de caméra, dans un univers totalement graphique, comme il le ferait sur un plateau réel. Pascal Pinto, c'est ça le futur, c'est les effets spéciaux en temps réel sur le plateau, c'est... C'est pas la 3D sans lunettes. Oui, pour revenir sur l'ardoise de James Cameron, comme je disais tout à l'heure, ça s'appelait la Simulcam. Et donc, sur le plateau, j'avais oublié de préciser qu'il y avait aussi des écrans qui permettaient à la fois à Cameron et à tous ses acteurs de voir en temps réel leur clone représenté de façon schématique, les personnages d'Avatar, dans les simulations aussi en 3D schématique des décors. Donc ça veut dire que quand les acteurs passaient par-dessus un grillage métallique représentant un rocher, ils voyaient exactement ce que ça allait donner dans l'image d'après. Et oui, effectivement, on peut dire aussi qu'il y a eu des effets spéciaux français dans des films comme les Batman de la Warner dès les années 90. Buff, par exemple, a fait des effets de simulation de fumée dans le Batman et Robin de Joel Schumacher. Ils ont travaillé aussi sur les séquences de code de Matrix avec les chiffres qui défilent comme ça sur les silhouettes des personnages et sur les murs à certains moments où le personnage voit la réalité de ce monde virtuel. Donc effectivement, il y a eu, comme le disait Christian, tout un tas de choses remarquables. Je voudrais citer aussi par exemple quelque chose avec lequel tu as collaboré, les effets du boulet, notamment la séquence absolument extraordinaire de la grande roue qui sort de son logement et qui va rouler sur le jardin des Tuileries, qui est une séquence d'action absolument, vraiment fabuleuse, qui date des années 2000 et qui est un très bon exemple d'effets spéciaux à la française. Et puisqu'il est déjà 16h52 et que nous sommes mercredi, hein, comme chaque mercredi, nous terminons cette émission en donnant la parole au futur de la recherche, un ou une jeune doctorante en l'occurrence qui vient nous présenter ses travaux de recherche en 4 minutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Lambert. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes en 3e année de thèse à l'ENS et à Paris-Nanterre. Bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous. Merci. Donc mon sujet de thèse, qui est dirigé par Alain Klimberger de l'Université Paris-Nanterre et Antoine Debecq de l'ENS Ulm, porte sur un corpus de films qu'Antoine Debecq appelle néo-péplum et Laurent Aquenin post-péplum, donc compris entre 2000 et 2017, depuis le retour en force de Gladiator. Il couvre une centaine de productions cinématographiques, télévisuelles et de jeux vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un péplum ? Le mot vient du latin plat et désigne une toge à l'antique. C'est un film à l'origine souvent italien, puis américain, représentant la Rome antique, mais aussi l'Égypte, la Grèce ancienne et l'univers biblique. Ce genre cinématographique a connu un premier âge d'or au temps du muet, dans les années 1910-1925, et un second âge d'or entre 1950 et 1965, dans les studios d'Hollywood et de Cinecittà. Des films comme Les Dix Commandements, Cléopâtre, Ben-Hur ou Les Légions de Cléopâtre ont marqué cette production de plus de 2200 films. Alors, qu'est-ce que le néo-péplum ? Le néo-péplum est surtout hollywoodien et engage les plus grands réalisateurs. Rapide filmographie, on voit l'Égypte ancienne dans Exodus de Ridley Scott, la Grèce antique dans Alexandre d'Oliver Stone, la grandeur romaine dans Gladiator du même Scott, un épisode biblique dans Noé de Darren Aronofsky. La question de la continuité avec les périodes antérieures du péplum se pose parce qu'il arbore une esthétique de jeu vidéo et s'est converti à l'idéologie numérique. En revanche, il conserve son caractère très hétéroclite. Certains films visent la vérité historique, d'autres la mythologie. La plupart fantasment l'antiquité en mêlant périodes, mythes et registres. Certains recherchent le comique parodique, quand d'autres flirtent avec le fantastique et le super-héroïsme, d'autres le kitsch du cinéma bis. Ainsi, ce genre très conscient de lui-même, à la différence du western, n'a pas acquis ses lettres de noblesse. Alors, pourquoi étudier ce néo-péplum ? Bien justement pour permettre à ce genre artificiel et populaire d'acquérir ses lettres de noblesse à l'heure où le grec et le latin disparaissent des écoles. Il nous rappelle l'origine de nos sociétés en entretenant un rapport à l'histoire réelle, comme l'aigle de la 9e Légion, des mythes fondateurs, comme le film d'Hercule. Mais encore, il nous parle de l'origine du cinéma, puisque Néron, essayant les poisons sur les esclaves en 1896, est une des premières productions des frères Lumière. Il ravive aussi le merveilleux du cinéma forain des premiers temps. C'est donc un genre musée et forain à la fois. Alors, comment ce néo-plum nous parle-t-il ? Aujourd'hui, il est paradoxalement une des nouvelles fabriques ou laboratoires du merveilleux numérique. Il provient bien de la tragédie grecque, qui usait déjà d'effets spéciaux mécaniques, comme vous le dites Pascal Pinto dans votre encyclopédie, effets spéciaux que Ray Housen a révolutionné dans les années 80, traçant la voie à la palette numérique qui crée des décors monumentaux, des batailles rangées ou de divines féeries vraisemblantes. Certes, au détriment des décors en studio et des foules de figurants, mais en réinventant la magie cinématographique du gigantisme. Donc, de plus, il est émanant de la tradition immémoriale du poème épique, il exprime le besoin d'épopée d'aujourd'hui. Le film 3 avec Brad Pitt en Achille, reboot l'Iliade, Zack Snyder revisite dans 300 la bataille des Thermopyles et la mythologie spartiate. Les motifs épiques, apparition divine, catabase, c'est-à-dire descente aux enfers, scène de bataille, relient le profane au sacré et nous parlent du collectif à l'ère du numérique. Le panthéon des héros, auquel on s'identifie toujours, nous guide pour exorciser un imaginaire belliqueux et retrouver l'harmonie. Les psychanalystes ajouteraient qu'un tel besoin de super-héros magnifiés par effet visuel n'est pas anodin. Enfin, les trois âges d'or du péplum ont accompagné guerres et conflits mondiaux, affirmant les idéologies de chaque pays producteur. Ils sont le reflet de leurs préoccupations politiques, économiques et religieuses. Spartacus de Stanley Kubrick insufflait le goût de la révolte à l'heure des listes noires d'Hollywood. Des films comme Exodus, évoquant les conflits actuels ou touchant à la religion, sont censurés dans certains pays arabes. Ave César, des frères Cohen, critique le mercantilisme des studios hollywoodiens, mettant en abîme un péplum comme Jean-Luc Godard l'avait fait dans Le Mépris. C'est donc un genre au cœur du politique. Hétéroclite et fantaisiste, il transmet à l'échelle mondiale, grâce aux effets spéciaux numériques, ce souffle épique antique. Merci beaucoup Frédéric Lambert. Un petit mot Pascal Pinto sur ce que vient de dire Frédéric Lambert. Donc effectivement le péplum qui a été ressuscité grâce au numérique en grande partie puisque plus personne n'investissait autant d'argent que Cecil B 2000 à l'époque notamment où Kubrick ont pu investir dans les péplums de la fin des années 60. J'ai entendu dans l'exposé de Frédéric le terme idéologie numérique. J'aime bien ce terme. Est-ce que vous l'entendez comme ça? Est-ce qu'il y a une forme d'idéologie numérique qui émerge de cette extrême... Je pense qu'il y en a une vers la fin des années 90 et peut-être début des années 2000, quand peut-être on a peut-être trop considéré que la 3D était l'outil à tout faire, l'outil omniscient, l'outil parfait. Maintenant, on est arrivé, je trouve, à un meilleur équilibre entre les techniques de maquillage, de construction de vrais décors, de décors virtuels, etc. Et on prend en fait le meilleur de chaque monde pour créer le film qui correspond le plus précisément à la vision du réalisateur. Merci beaucoup Pascal Pinto. Je rappelle, votre bible, votre encyclopédie, effets spéciaux, 2 siècles d'histoire, c'est édité chez Bragelonne. Merci beaucoup Christian Lyon, merci Frédéric Lambert. Et puis surtout, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez réécouter bien sûr l'émission ou repasser sur tous les liens que nous avons postés sur le fil Facebook, mais aussi vous rendre à la Cité des Sciences pour l'exposition effets spéciaux Crever l'écran. Vous avez du temps, c'est jusqu'au 19 août prochain. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomé, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique et Thibaut Gouffier au droit d'auteur.